Extirpé d'un onirique ou cauchemardesque mais trop court sommeil, il se lève. Se claquant énergiquement la tête pour, comme il aime à dire, l'extraire de son cul. Tiens, j'ai un rythme en tête. Ah non, non, j'ai du boulot. J'ai 36 000 choses à faire. Facture, email, permis, texte, etc. Non, non, aujourd'hui, boulot. Reniflant, se grattant la gorge, puis bâillant aux corneilles. Je veux pas travailler. Il boit du bout des lèvres son café. Le son est intéressant. Tâchant de s'atteler aux tâches qui font de la vie de musicien une vie parfois si pénible, il s'assoit, confiant en sa concentration à toute épreuve. Il commence par prendre son crayon et tapoter la table. Il commence à écrire, mais son tabouret grince de manière si harmonieuse et mélodique qu'il ne peut s'empêcher de jouer avec. Par où commencer ? Et puis cette mouche qui bourdonne à son oreille de si beaux riffs basses. Si, si, je vous jure, c'est dur de se concentrer. Pause, se dit-il. Alors, au bout de 10 minutes d'effort, il cherche de quoi se confectionner une cigarette. Dans ses poches, cherchant vivement, trépignant d'impatience, chantonnant nerveusement. C'en était de trop, il s'était rendu compte de son erreur fatale, il avait chantonné. Alors mettant de côté ses tâches, son crayon, son café, sa clope, il fit mine de plus tard y revenir, mais en vrai aujourd'hui, musique.